jure ngeen def ñu and ak xeyeer yene kay yi nga xamne mom lañu xeyndo yene kay ki tout l'observateur ak le populaire ak libération ak direct info ñu fekk fa serigne sidoul mukhtar lamu xamle moy bëggu tudde deg kenn ko xamne yaangi wax nak kasudu nonu ci yoon wi serigne sidoul mukhtar nak kéro bi nga xamne ñu turami di Macky Sall ñew na septième deg na amna ño xamanteni dañu ko doon yuxalo waye lolé musuma ko nané am ndox té lolé bëggatuma mu am ci rew mi serigne sidoul mukhtar ci yene kay ki tout l'observateur né amna ay serigne su ndaw so xamne ñoo ngi génné di wax su le nexé ñu génné di wax waye buñu waxati ci turu Touba mo wax ci li nek ci yene kay gitala sa fekk fa ka fa wax banassaye di maître Madika Nianga mu wax ci wax gi nga xamne mom lañ ko waxalona na maître Madika Nianga mo dem ba sa kanamu serigne sidoul mukhtar nako ñu turami di Macky Sall ma ngi waje invité le pape François ci rew Sénégal té pape François momé mo doon wax né Sénégal dañu fe wara tagana li nga xamne mo jëm ci walum ngor jikene maître Madika Nianga na lolé waxuko tay waxuko ëlëk té ñi nga xamne ño jog ci ko wax dañu ko bëgg jaxassé ak ñi nga xamne ñoy wa église bi maître Madika Nianga né ay manipulation la té ñokoy wax ay politiciens la yo xamne ñoo nga dëkk Touba kenn xamulen di ay seytane di ay fenkat di ay katch kata way li wërte woro moy man maître Madika Nianga manam église bi dama leena jox seen waccu waye ñu leen respecté la té wax di nak waxuma ko tay waxuma ko ëlëk ñako waxe yak mu leen taxa jox ko wa groupe Futur Media bo moy tuulé dana ñu yak xewé manam francophonie bi groupe Futur Media lañu xamlé moy jëmunu jital manam wané nañ seenu mère té bo moy tuulé dañuy boycotter li nga xamne moy francophonie bi lako waral nak manam moy par parlo gi nga xamne jëmunu ji nguruk Sénégal mang koy def ci tout ak ko di xibaaré né gis nañ lu tollu ci 7 milliards yo xamne jël luñ ko jox ko wa RTS yene kay gi dul observateur Mamoudou Ibrakane lamu xamle moy wa groupe Futur Media ñom gis nañ ak ki nga xamanteni moy Youssou Ndour lañu ko xamal moy engagement bi nga xamne jël nga ko ci walu politique ka lolé yow la engagé sa digënté ak Macky Sall suñu ngañi neeku sa en tout cas li wërte wërta la manam groupe Futur Media francophonie bi da koy boycotté né gis nañ né autorité yi nga xamanteni jëmono ji ñoo fi nek par parlo gën gën lé gu mag lañu nekk jëmono ji ci tout ak ko di xibaaré yene kay gi dul quotidien mu ñu xamal lañu immigration bi nga xamne donañu ko def village de la francophonie mirum ciune deugantane la musuma ma bokumba ay girawalek des autres bu mat seuk lañ sa gis mbir ma kay manam comme sabar kota journal bi de la populaire rañu fekk fa serigne mansour si jamil lamu xamne nak moy Macky Sall niñu ko falé mo gëna bax fouf ko ni nga xamne mom lañ falé abdoulaye wad yene kay gi du sud côté djé ñu fekk fa souleyman dene ndjay lamu xamle moy wax gi nga xamne babacar gay wax na ko ne karim wad buñu soñon moy nek sen candidat élection présidentielle 2017 neena babacar gay lolé xalatam la lolé mom la engagé waye lima bëgg man Souleymane Dene Ndiaye moy élection présidentielle 2017 ma sam ndënd yene kay gitalas kenen ko xamanteni samp na ndëndam ngir jité maire yi nga xamne ño nek ci rew Sénégal du kenn ku du Aliou Sall rak ñi turami di Macky Sall yene kay gitalas mu ñu xamal lañu Aliou Sall jëmunu ji ma ngay wër fenn fu nek ngir naxanté ak maire yi ngir ñu wotel ko buñu sukkandiku nak ay xibaar yene kay gitalas ne nañu turami di Macky Sall ko mo bëgg mu jité maire Sénégal yi manam remplacer Abdoulaye Balde du kenn ku du Morngom waye Aliou Sall jëmunu ji lu mi def ak deugur bopom mo tax mu kay def yene kay gi dul observateur ak direct info mu ñu xamal ñu Moustapha Niass manam sa université Cheikhanta Diop Dakar dafa doon sargal ki nga xamne moy Leopold Sédar Senghor mi fi ñëk nek ñu turam Sénégal lu bax lu Moustapha Niass xam ci Leopold Sédar Senghor wax nako waye tuddu fa ben yoon Abdou Diouf waye yene kay gi mu ñu xamal ñu ñu turam di Macky Sall dalal na ay ancien ministre yo xamanteni ay libéraux lañ ak ancien directeur général sa palais de la République Macky Sall naxtana ak ñom ba ñoñé taxawal sinum association xaritu Macky Sall l'association des amis de Macky Sall noné lañu ko tuddé ñu doon tirante ay bal melni ñuy sié ay film cowboy sa Touba Idika ak ki nga xamanteni moy Serigne Saliou Mbake doomu Serigne Ladji Bar bayi nañ leen ñu tam yene ka gi de la témoin mo xey duñu ko xamal journal mu ñu xamal lañ ñu Alkhamis lañu wuy ci wat yoon fallu fall député AFP la mu xamlé moy Moustapha Niass sa manam jëmunu ji nak mo yaq assemblée nationale ne lu ko neex la fay def ak heure bu mu ko neexé Moustapha Niass lepp lo xamné dal na parti bi nga xamanteni moy AFP lolé Moustapha Niass moko waral ñom nak manam député yi nga xamné ño bok ci AFP dak ñu sax bu joté ñu taxawal seen groupe parlementaire mbeur mi du guuy ki lamu xamle moy jëmunu ci Ama Balde ma ngay wër di ma tekkou ci Ama Balde lamu wara xam man guuy gituma moromam yene kay gi de la sag le témoin mu ñu xamal ñu girawali musuba ma bokum ba gu reey mo am ben way bo xamanteni ta la joxum pa la tuddu yene kay gi ne moy chefuru Barassadi Barassadi mi nga xamne jëmunu ci ma nga sakasu ba ab seforam mo tal bopam sefor ba jëmunu ci ma nga sa digënte dund ak de la ko metti nak moy patron bi nga xamne mom lañ jël bu yag ba legui ni tej kasse kasso bi di Barassadi motax sa forba dem tal bopam.